pour toujours. Une petite amie qui était tout pour moi, toute mon existence. Avec elle j'ai vécu, mais plus beau jour liés tous les deux. Pour un grand amour, maintenant elle est partie pour un pays lointain. Oui, elle m'abandonne sans un baiser d'adieu. Alors je prends mon verre pour ça rouler ma peine, puisque c'est dans l'alcool que je retrouve un peu d'oubli. Puisqu'elle est partie, ainsi tout est fini. On nous a séparés d'un monde à un autre. Oh mon Dieu, quel triste sort. Pourquoi on nous a séparés comme ça, pour ne plus nous rejoindre? Mon Dieu, j'ai tout perdu, tout est fini.